Alors, il supplia des lauriers de venir partager sa chambre. Il s'arrangerait pour vivre avec ses 2 000 francs de pension. Tout valait mieux que cette existence intolérable. Des lauriers ne pouvait encore quitter Troyes. Il l'engageait à se distraire et à fréquenter Sénécal. Sénécal était un répétiteur de mathématiques, homme de forte tête et de convictions républicaines, un futur Saint-Just, disait Leclerc. Frédéric avait monté 3 fois ses 5 étages sans en recevoir aucune visite. Il n'y retourna plus. Il voulut s'amuser. Il se rendit au bal de l'opéra. Ses gaietés tumultueuses le glaçaient dès la porte. D'ailleurs, il était retenu par la crainte d'un affront pécuniaire, s'imaginant qu'un souper avec un domino entraîné à des frais considérables était une grosse aventure. Il lui semblait cependant qu'on devait l'aimer. Quelquefois, il se réveillait le cœur plein d'espérance, s'habillait soigneusement comme pour un rendez-vous, et il faisait dans Paris des courses interminables. À chaque femme qui marchait devant lui ou qui s'avançait à sa rencontre, il se disait « La voilà ». C'était, chaque fois, une déception nouvelle. L'idée de Madame Arnoux fortifiait ses convoitises. Il la trouverait peut-être sur son chemin, et il imaginait, pour l'aborder, des complications du hasard, des périls extraordinaires dont il la sauverait. Ainsi, les jours s'écoulaient, dans la répétition des mêmes ennuis et des habitudes contractées. Il feuilletait des brochures sur les arcades de l'Odéon, allait lire la revue des Deux Mondes au café, entrait dans une salle du Collège de France, écoutait pendant 1 heure une leçon de chinois ou d'économie politique. Toutes les semaines, il écrivait longuement à des lauriers, dînait de temps en temps avec Martinon, voyait quelquefois Monsieur de Sisy. Il loua un piano et composa des valses allemandes.